إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous avions précédemment évoqué les tout premiers croyants à se convertir à l'islam. Parmi eux, Abu Bakr, Khadija bint Khuwaylid, Zayd ibn Haritha, Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Bilal ibn Rabah al-Habashi. Et parmi les tout premiers aussi croyants à s'être convertis à l'islam, il y a Abdullah ibn Mas'ud. Nous allons nous intéresser à ce compagnon aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, car il y a un récit sur la cause de sa conversion. Ce compagnon est issu de la tribu de Hudayl, qui sont les alliés des Bani Zuhra. Les Hudayl sont les descendants de Mudrika. Je vous rappelle que Mudrika, c'est le quatrième grand-père de Quraysh. Mudrika est le quatrième grand-père de Quraysh et, selon un avis des savants, le deuxième grand-père, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Quraysh. De ce fait, les Bani Hudayl sont les descendants d'Ismaïl, mais ils ne sont pas issus de Quraysh. Ce sont des cousins, plus ou moins, des grands cousins de Quraysh. Abdullah ibn Mas'ud a grandi à Mecca, car son père, Mas'ud ibn Ghafil, s'y était installé avant l'islam. Abdullah ibn Mas'ud fait partie lui aussi des tout premiers croyants. Et il s'est converti alors que la demeure de l'Arqam ibn Abi al-Arqam n'était pas encore un lieu de rassemblement pour les musulmans. Rappelez-vous de ce que nous avions dit le cours précédent. Nous avions dit que les musulmans s'étaient rassemblés dans cette demeure de l'Arqam ibn Abi al-Arqam al-Makhzoumi afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse y prodiguer les enseignements de l'islam. Abdullah ibn Mas'ud s'est converti bien avant que cette demeure ne fût un lieu de rassemblement pour les musulmans. Certains savants considèrent qu'il est la sixième personne à s'être converti à l'islam. D'autres savants évoquent d'autres avis. Mais le fait qu'il soit la sixième personne à s'être converti à l'islam est appuyé par la parole de Abdullah ibn Mas'ud lui-même, comme l'a rapporté Ibn Hibban dans son Sahih et authentifié par Sheikhul al-Albani. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. Il a dit: je me suis vu être le sixième à me convertir. Il n'y avait pas d'autres musulmans que nous sur la surface de la terre. Abdullah ibn Mas'ud raconte cette rencontre aussi avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peu avant sa conversion à l'islam. Écoutez bien ce hadith qui a été rapporté aussi par Ibn Hibban et qu'a authentifié الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمغربي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقال لي: يا غلام، هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكن مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ قال: فأتيته فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع: انقلسي، فانقلست. فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، إنك غلام معلم. D'après Abdullah ibn Mas'ud qui a dit: je faisais paître des moutons pour le compte de Uqbat ibn Abi Mu'ayt, qui était un des grands notables de Quraysh et un des plus virulents adversaires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam passa devant moi accompagné de Abi Bakr, j'étais à ce moment-là très jeune, Il me dit, ô jeune homme, y a-t-il du lait pour nous? Je lui répondis que oui, mais que ce lait ne lui appartient pas. Autrement dit, il n'a pas la possibilité d'en donner. Le prophète dit alors, y a-t-il une brebis non saillie, c'est-à-dire qui n'a pas encore été accouplée? Je lui ramena alors et il commença à frotter son pis, c'est-à-dire sa mamelle, et le lait commença à couler à flots. Il le fit couler dans un récipient, il en but et en donna à Abi Bakr. Puis il s'adressa au pis de la brebis et lui dit, diminue, c'est-à-dire reviens à ton état naturel, reviens vite comme tu étais auparavant. Et le pis diminua. J'ai dit alors, ô envoyé d'Allah, apprends-moi de ces paroles, c'est-à-dire des paroles du Coran que tu lis et que tu récites aux gens matin et soir. Il me caressa la tête et dit, qu'Allah te fasse miséricorde. Tu es certes un jeune initié. C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, venait de déceler en lui des vertus cachées, d'intégrité, lorsque il s'interdisa de donner du lait qui n'était pas à lui. Dans une autre version de ce hadith, lorsque Abdullah ibn Mas'ud a dit que le lait ne lui appartenait pas, cela se vit sur le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui se réjouit de cela, en voyant l'honnêteté de ce jeune homme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décelé en lui des vertus cachées d'intégrité, ainsi que des prédispositions à l'apprentissage, la soif de science et l'enseignement, des prémices de la sagesse et du savoir qui s'affirmeront des années plus tard. Abdullah ibn Mas'ud ne tarda pas à aller se convertir auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à lui proposer de le servir. Il était constamment à ses côtés, à tel point qu'il fut surnommé le confident du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais de son côté, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui permettait encore tout jeune d'entrer chez lui à n'importe quel moment de la journée, et de le côtoyer autant qu'il le voudrait. Cela lui permit de s'imprégner des paroles d'Allah et de son messager, d'en comprendre le sens et de devenir ainsi, jour après jour, un peu plus savant. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, commença à lui enseigner le Coran. Et Abdullah, radiallahu anhu, dira plus tard qu'il a appris et qu'il a lu sur le messager d'Allah un peu plus de 70 sourates sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih et authentifié par Sheikh al-Albani dans les commentaires du Sahih d'Ibn Hibban ainsi que dans As-Silsila Sahiha sous le numéro 3027. قال عبد الله بن مسعود قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة وسبعين سورة وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان. Il a dit, j'ai récité sur l'envoyé d'Allah un peu plus de 70 sourates, alors que Zayd, il parlait de Zayd ibn Thabit, avait deux nattes et jouait encore avec les enfants, c'est-à-dire qu'il était encore tout petit. De même, un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Abdullah ibn Mas'ud de le lire le Coran. Abdullah ibn Mas'ud raconte cela et dit, « قال لي رسول الله, sallallahu alayhi wa sallam, اقرأ لي سورة النساء, فقرأت حتى بلغت, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال إما غمزني وإما التفت فإذا عيناه تسيلان صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عسون نوتي le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم me dit lis-moi la sourate d'An-Nisa, la sourate numéro 4. J'ai lu jusqu'à arriver à la parole d'Allah. Qu'en sera-t-il donc lorsque de chaque communauté nous ferons venir un témoin et que nous te ferons venir contre cela comme témoin? Il me fit un signe ou bien je me retourna de moi-même et j'ai vu ses deux yeux débordés de larmes, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version similaire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le prophète lui a dit, sans l'état si arrête-toi, hasbuk al-an, arrête-toi de lire. À ce moment-là, Abdullah ibn Mas'ud s'est retourné vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et vit ses deux yeux débordés de larmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous aurons l'occasion, inshallah tabaraka wa ta'ala, de reparler de ce grand compagnon à travers la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre homme qu'il est important de citer ici, dans les tout premiers temps de la révélation. C'est un des illustres compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti aussi très tôt. Certains savants disent qu'il est le quatrième à se convertir. D'autres le voient en cinquième position, comme le soulignent l'imam al-Dhahabi ainsi que l'imam al-Hafidh al-Mizzi. Ce compagnon est Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, de son nom Jundub ibn Junada des Bani Rifar, la tribu de Rifar. Les Bani Rifar sont une tribu issue de Kinana. Kinana est l'arrière-grand-père de Quraysh, ou selon un avis, le père de Quraysh. Selon si on dit que Quraysh est Fihr ibn Malik ou bien Al-Nadr ibn Kinana. Donc les Bani Rifar sont aussi des cousins des descendants de Quraysh. Ils vivaient à ce moment-là dans une région située au nord de Mekka, entre Mekka et Médine, mais plus proche de Médine. Et ils contrôlaient le passage des caravanes qui venaient du Chem et qui se dirigeaient vers la Mecque. Certains de cette tribu pillaient même de temps en temps ces mêmes caravanes. Ils commerçaient et revendaient ensuite les marchandises aux plus offrants. Parmi eux, il y avait Abu Dharr al-Ghifari, qui gagnait sa vie ainsi, avant l'islam. Mais aussi, ce compagnon avait une misa, c'est-à-dire il avait une chose qui le distinguait des autres. Il ne s'est jamais adonné à l'adoration des idoles. Il n'adorait que Allah, en lui vouant un culte exclusif. Dès lors qu'il apprit qu'une personne à Mecca appelait les gens au tawhid, dans la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il s'empressa de la rencontrer. L'imam muslim nous rapporte sur le numéro 2473 le récit de Abi Dharr et les circonstances de sa conversion. Le hadith étant long, je vais seulement le lire en français, inshallah tabaraka wa ta'ala. Abu Dharr lui-même nous dit: nous quittâmes notre tribu de Rifar qui déclarait que le mois sacré ne l'est pas, c'est-à-dire il rendait licite les mois sacrés. Nous sortîmes, moi, mon frère Unais, ainsi que ma mère, et nous nous rendîmes chez notre oncle maternel qui nous accorda l'hospitalité et nous honora. Les siens nous enviaient. Et ils lui dirent donc: quand tu te détournes des tiens, sache que Unais, lui, les fréquente dans ton dos. Mon oncle vint alors nous mettre au courant des paroles de ce que disaient ces gens. Je lui dis alors: ce que tu nous as avancé comme bonne hospitalité ne t'a apporté que ce qui te déplaît, et nous ne pouvons rester un instant de plus avec toi dans ce même lieu. C'est comme si leur oncle ici leur avait reproché ce que disaient les gens de. Il dit alors: nous partîmes et nous arrivâmes à la Mecque. Là, Unais, c'est-à-dire le frère de Abi Dharr, rivalisa avec un des habitants de la ville contre un pari qui n'était que le petit nombre de nos montures. Il alla avec cet homme chez un kahin, c'est-à-dire un devin ici, ou un juge si vous voulez, pour le prendre comme juge. Et comme ce dernier prononça sa sentence en sa faveur, en la faveur de Unais, Unais rentra avec nos montures et un nombre qui lui fut égal. C'est-à-dire qu'il avait gagné le pari qu'il avait fait avec cet homme. Abu Dharr poursuivit son récit et dit: « Ô fils de mon frère, je commençais à faire la prière 3 ans avant de rencontrer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Le rapporteur l'interrompit et lui dit: « Pour qui tu faisais tes prières avant l'islam ?» Il répondit: « Pour Allah. » Je répliquai: « Et de quel côté te tournais-tu en priant ?» Il dit: là où mon Seigneur me l'a indiqué. Je faisais la prière du soir, et à la fin de la nuit, je m'étendais comme un vêtement délaissé jusqu'à ce que le soleil fût très haut dans le ciel. Unais m'a dit: j'ai une affaire à la Mecque, je vais la terminer et occupe-toi pendant ce temps de mes biens, durant mon absence. Unais partit à la Mecque, mais il tarda de rentrer, et quand il arriva, je lui demandai: qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il me répondit: j'ai rencontré à la Mecque un homme qui a la même religion que toi. Il prétend que Allah l'a envoyé. La même religion que toi, c'est-à-dire le tawhid. Et Unais ici parlait de qui? Parlait du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Dharr demanda à son frère: et que disent-ils de lui? Il répliqua: ils disent que c'est un poète, un devin et un sorcier. Unais lui-même était un poète. Et il dit: j'avais entendu les paroles de devin, et les paroles de cet homme ne leur ressemblaient pas. J'ai scandé ses propos pour savoir si c'était de la prosodie, si c'était de la poésie, mais nul ne pourrait dire que c'était de la poésie. Par Allah, ce qu'il disait est vrai, et ce sont eux les menteurs. Abu Dharr continua son récit et dit: je dis à mon frère, occupe-toi de mes affaires afin que je m'en aille moi-même et que je voie de mes propres yeux. Je partis à la Mecque. Je choisis un homme faible et je lui dis: où se trouve cet homme que vous nommez As-Sabi'i, le Sabéen? Cette dénomination, en fait, était pour tous ceux qui avaient changé leur religion de l'idolâtrie pour l'islam. On les appelait as-sabi'in. D'ailleurs, on reprochera cela plus tard au messager d'Allah en disant laqad saba'ta, tu as certes changé de religion, tu as délaissé la religion de tes ancêtres pour prendre une religion nouvelle. Laqad saba'ta. Donc les kuffars n'appelaient pas les musulmans muslimines, ils les appelaient as-sabi'in. Abu Dharr, quand il s'est rendu à la Mecque, posa cette question à cet homme et lui dit: où se trouve cet homme que vous nommez as-sabi'i? Comme il me désigna le sabi'i, hein, les gens de la vallée entendirent cela et ils m'assénèrent des coups, me frappant avec la boue et des os à tel point que je tombai évanoui. Lorsque je repris connaissance, j'étais pareil à une pierre dressée de couleur rouge. Rappelez-vous, nous avions parlé de ça dans les cours précédents, bien dans les premiers cours, où les mouchriquines avaient l'habitude de dresser des pierres sur lesquelles ils immolaient leurs sacrifices pour leur divinité. Ces pierres, tellement elles étaient couvertes et immaculées de sang, qu'elles prenaient la couleur rouge. Alors il a dit: lorsque j'ai repris connaissance, j'étais semblable à une pierre dressée de couleur rouge. Je me dirigeais vers le puits de Zemzem pour me laver des traces de sang et pour boire de son eau. Ô fils de mon frère, j'ai passé là 30 jours et 30 nuits, n'ayant que l'eau de Zamzem à boire, dépourvu de nourriture, et je devins obèse de sorte que les plis de mon ventre se rabattirent les uns sur les autres, et je n'éprouvais aucun sentiment de faim. Ce fut une nuit à la belle étoile, les habitants de la Mecque s'endormaient sous l'effet d'une surdité, et personne ne faisait la tournée autour de la maison. J'aperçus alors deux femmes invoquer les deux idoles de Issaf ou Anaïla, deux idoles adorées à Mecca, dans l'enceinte de la Kaaba. Comme elles faisaient la tournée autour de la maison, elles me rencontrèrent et je leur dis: donnez en mariage l'une de ces idoles à l'autre, comme pour se moquer d'elles. Mais elles ne cessèrent de les invoquer et je poursuivis: je ne peux pas distinguer le mâle de la femelle, car ce sont que deux personnages en bois. Entendant cela, elles me quittèrent en hurlant et en disant: si seulement il y avait quelqu'un des nôtres, c'est-à-dire elles commençaient à appeler et à alerter les habitants de la Mecque afin de punir Abi Dharr pour les propos qu'il avait tenus en offense à ces deux idoles. À ce moment-là, c'est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de Abi Bakr, qui descendait de la vallée vers le sanctuaire sacré. Il rencontra ces deux femmes, et ces deux femmes n'ont pas reconnu le prophète, alayhi salam, ni son compagnon. Alors le prophète leur demanda: qu'avez-vous? Elles lui répondirent: ce sabéen, en montrant du doigt Abu Dharr, se cache derrière les rideaux de la Kaaba. Il nous a adressé une parole très obscène. En arabe, qala lana kalimatan tamla'u al-fam. C'est une expression pour dire que c'est une parole grossière et mensongère. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra avec Abu Bakr et firent une tournée autour de la Kaaba en commençant par toucher la pierre noire. Puis ils firent une prière. La prière terminée, je me dirigeais vers le messager d'Allah, le prophète, et j'ai été le premier à lui adresser la salutation de l'islam en lui disant « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Il me répondit « Wa alayka assalam wa rahmatullahi ». Le premier à avoir adressé les salutations au messager d'Allah, parmi les compagnons, fut Abu Dharr. Et le prophète dut lui répondre wa alayka salam wa rahmatullahi. Il lui a rajouté wa rahmatullahi. Et cela, conformément à la parole d'Allah et tabaraka wa ta'ala, wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Et lorsqu'on vous adresse ces salutations, rendez-les de la meilleure des façons ou alors rendez-les semblables. Donc le prophète a rendu les salutations de la meilleure des façons en rajoutant wa rahmatullahi, ainsi que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il poursuivit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis un homme de la tribu de Rifar. À ces mots, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porta sa main sur son front en le touchant par ses doigts, et je me suis dit alors en moi-même: il répugne que je sois des Bani Rifar. Comme je voulais prendre sa main, son compagnon Abu Bakr m'empêcha, car il connaît son comportement plus que moi. Le messager d'Allah leva ensuite la tête et dit: depuis quand es-tu là? Je répondis: depuis 30 jours et 30 nuits. Et qui te donna à manger? Répliqua-t-il. Je dis: je n'avais comme nourriture que l'eau de Zamzam. Je suis devenu obèse de sorte que les plis de mon ventre se rabattent les uns sur les autres sans toutefois éprouver de faim. Le prophète a dit, cette eau est bénie, et elle constitue à elle seule une nourriture, l'eau de Zemzem. Imaginez-vous, Abu Dharr, pendant cette longue période, n'a bu que de l'eau de Zemzem, et cela l'a protégé et l'a prémunie de la faim et de la famine. Abu Bakr dit alors, ô messager d'Allah, permets-moi de lui donner hospitalité cette nuit-là. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alla avec son compagnon Abu Bakr, et je les accompagnai. Abu Bakr ouvrit une porte, prit dans sa main du raisin sec de Taif et me donna à manger, et ce fut la première nourriture que j'ai prise. Je demeurai un certain temps et je me rendis chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui me dit: On m'a inspiré que je dois me diriger vers une terre de palmeraies et je crois qu'elle n'est autre que Yathrib. Yathrib est l'ancien nom de Médine. Veux-tu bien informer ton peuple que j'irai peut-être là-bas et Allah te leur rendra utile et te récompensera pour cela. Je retournai chez Ounais, qui me demanda, qu'as-tu fait? Je lui répondis, je me suis converti à l'islam et j'ai cru au messager d'Allah. Ounais répliqua, je ne rejette pas ta religion, car j'ai déjà embrassé l'islam et cru au messager. Nous partîmes, mon frère et moi, chez notre mère, qui nous dit aussi, je ne rejette pas votre religion à tous deux, car j'ai embrassé l'islam et j'ai cru. Nous retournâmes à dos de monture chez notre peuple, les Bani Rifar. La moitié de notre tribu embrassa l'islam à son tour, et parmi eux se trouvait Ima ibn Rahadha al-Rifari, qui était le chef des Bani Rifar. Quant à la seconde moitié, elle dit, si le messager d'Allah arrive à Médine, nous nous convertirons. Et cela s'est réalisé par la suite. Lorsque plus tard le messager d'Allah arriva aux abords de Médine lors de son émigration, cette deuxième moitié se convertit à l'islam, comme il l'avait dit presque 13 ans auparavant. Des hommes de la tribu de Aslam, donc c'est des proches des Bani Rifar, qui habitaient aussi dans cet endroit, vinrent trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent, ô messager d'Allah, les hommes de Rifar ne sont que nos frères. Nous nous soumettons à ce à quoi ils se sont soumis. C'est-à-dire, nous nous convertissons à l'islam comme ils se sont convertis à l'islam. Et ils embrassèrent l'islam. Le messager d'Allah dit alors cette phrase célèbre, Rifarun ghafarallahu laha wa aslam salamahallahu. Rifar, qu'Allah leur pardonne et aslam, qu'Allah les délivre. Car en fait, le terme de Rifar est dérivé du verbe ghafara qui veut dire pardonner et excuser et cacher et protéger. Donc le prophète, par ce nom-là de Rifar, a fait cette doa en employant le même verbe, la même racine verbale. Rifarun ghafarallahu laha. De même, Aslam, la tribu de Aslam, le prophète a utilisé la même racine verbale pour invoquer en leur faveur en disant wa aslam salamahallahu. Et Aslam, qu'Allah les délivre. Voilà le récit de la conversion de Abu Dharr al-Rifari. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, aussi d'évoquer ces deux nobles compagnons, ainsi que des autres, de citer leur mérite, leur dévouement, leur héroïsme, leur courage et leur prise de position ferme et solide dans les situations les plus difficiles. D'ailleurs, j'évoquerai de plus, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, une biographie de chaque compagnon emblématique lorsque celui-ci mourra dans le champ de bataille ou autre. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.